إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui au huitième dars, huitième leçon de cette série de leçons sur le livre l'Itqan de l'imam Suyuti sur les sciences du Coran. Nous avons terminé la branche du Tenzil, la branche de la descente du Coran, modalité de la descente, descente synthétique, descente analytique, comment le prophète recevait la révélation par l'intermédiaire de Jibril. Nous avons étudié les premières et les dernières révélations, etc. Si nous référons cette branche au nom du livre, au nom du Coran qui lui correspond, cette branche correspond au nom Tanzil et elle correspond aussi au nom Furqan, c'est-à-dire la branche que nous avons étudiée dans les cours précédents. Il nous renvoie au nom du Coran Tanzil qui est révélation descendue, et il nous renvoie au nom du Coran qui est Furqan. Furqan veut dire fragmenté, c'est-à-dire que le Coran était descendu fragment par fragment. Nous allons commencer, Inch'Allah, aujourd'hui, les sciences relatives au tartil. Et j'entends par le tartil l'agencement. Parce que le tartil veut dire agencement, arrangement. D'accord ? Des dents qui sont, murattal, ça veut dire des dents qui sont harmonieuses, bien agencées, bien organisées et tout. J'entends par le tartil l'agencement. L'agencement de quoi? L'agencement des sourates et des versets, leur disposition par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le lui ordonnait. Et j'entends aussi par le tartil vocal que vous connaissez, parce que quand vous entendez le tartil, ça vous renvoie directement à l'agencement, au saut, à la voix, à la phonétique, c'est-à-dire l'agencement vocal. Comment on articule les mots et les lettres du Coran, leur mode d'articulation, sifat al-ahruf, ou sifat al-huruf, et leur lieu d'articulation, leur point d'articulation, makharij al-huruf, et aussi le rythme de la lecture qui est là, de la récitation qui est soit long, le tahqiq, ce qu'on appelle le tahqiq, et au moyen, ce qu'on appelle le tadwir, et rapide, ce qu'on appelle le hadar. Ça, on va l'étudier, Inch'Allah. C'est vrai que ça va plaire à beaucoup de frères de suivre, Inch'Allah, ces deux roses sur makharij al-huruf, la façon de prononcer le Coran, ahkam al-qira'a, comment on récite le Coran, la façon dont on récite, etc. Inch'Allah, ça, on va le développer, Inch'Allah, dans les cours précédents. Dans les cours qui vont suivre. Le grand chapitre des sciences relatives au tartil, et là on va passer à la deuxième page. Vous savez, on a schématisé un arbre qui est en fait un schéma du plan du livre al-Itqan. Et puis nous avons terminé le rectangle où c'est marqué les sciences relatives au tanzil, à la descente. Ça, c'est la première page de l'arbre, de l'arborescence que nous avons dessiné. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page, parce qu'on va passer à un autre grand chapitre, une grande section qui est les sciences relatives au tartil, à l'agencement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agencement des sourates et des versets et l'agencement vocal, tartil, ahkam al-qira'a. Ce tartil-là, ce grand chapitre-là se ramifie en trois branches. Alors, la première branche, c'est Saqira'a. Ça vous allez le voir, Inch'Allah, dans la deuxième page de l'arbre des sciences. Alors, la première branche, Saqira'a, lecture, récitation. Ça nous renvoie aux sept modes de formulation du Coran. Sabat Ahrof. cet idiome arabe. Et c'est cet ahruf, il nous renvoie aux qira'at que nous connaissons. Les sept qira'at recensés par Ibn Mujahid. Ibn Mujahid est mort en 324 de l'Hijri. Et à ces sept furent ajoutés trois autres qira'at. Bon, les lectures du Coran que nous connaissons aujourd'hui. Qira'at Nafi', Nafi' al-Madani, Ibn Kathir al-Makki, Abu Amr ibn al-Ala, al-Basri ibn Amr al-Dimashqi, Amir al-Kufi, Amir ibn Asim, Ibn Abi al-Nujud, Asim, la lecture de Asim, la riwaya de Hafs de Asim, que vous lisez en France dans le Coran, qui est beaucoup en Orient. Et Hamza ibn Habib Zayyat, al-Kufi, al-Kisa'i, ça c'est les sept qurra'a. Auxquels on a ajouté trois autres, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa', Yaqub al-Hadrami, Khalaf ibn Hisham al-Bazzar. Ça, on va le traiter, Inch'Allah. Il y a quatre autres qira'at en plus de ces dix. Il y a quatre, mais ils sont marginales. C'est celle de Ibn Muhaysin, al-Yazidi, al-Hassan al-Basri, al-A'mash. Bon, bien sûr, nous allons, inchallah, parler du mode de transmission de ces lectures, celles transmises par une multiplicité de chaînes de rapporteurs et celles rapportées par une seule chaîne de rapporteurs, les qira'at qui sont de faible autorité. Ça on va l'étudier. Donc ça c'est la première branche qui est celle de la qira'a, qira'a lecture récitation. Donc lecture récitation, sept modes de formulation et puis les grands qira'a, Nafi', Asim, etc. Et leur mode de transmission. La deuxième branche, on va traiter la question de la phonétique. Comme j'ai dit, ça va plaire à certains frères, beaucoup de frères. La phonétique articulatoire, la manière d'apprendre cette phonétique en écoutant le cheikh ou la récitation ou en écoutant soit le cheikh sa récitation, on récite devant le cheikh et puis le cheikh qui corrige. Et puis le rythme de prononciation, tahqiq, tadwir, al-hadr. Et puis le tajwid, le perfectionnement de la prononciation et de la récitation, ce qui est fondamental et ce qui est complémentaire. Le mode d'articulation, les lieux d'articulation, le makharij al-huruf, l'idgham, l'iqlab, on va parler aussi de l'élision, de l'iqlab, de l'inversion, etc. Et puis bon, on va terminer cette deuxième branche par les règles de bienséance qui doivent être observées par le qari, le récitant. Et la troisième branche qui se ramifie des sciences relatives au tartil, c'est l'enregistrement du Coran. C'est-à-dire son enregistrement sur le papier, sa consignation, sur le livre, et les scribes du professeur Sam, le Kataba, Katabat al-Wahi, ceux qui ont écrit la révélation sous la dictée du professeur Sam. Sous cette branche-là, on va étudier aussi l'apprentissage par cœur, comment on l'apprend par cœur, la manière de l'apprendre par cœur, la répétition, le fait de saisir les homonymes et les versets qui se ressemblent. Et cette branche qui est les sciences relatives, bon, ça c'est les trois branches. Alors, cette branche qui est les sciences relatives à l'agencement des éléments du Coran, de cette branche-là, il ressort le nom Al-Qur'an. Nous vous avons dit que la méthode suivie par Suyuti dans sa composition de son livre Al-Itqan repose sur les noms du livre. C'est-à-dire des noms Furqan et Tanzil, il a déduit les chapitres sur la descente du Coran. Du nom Burhan qui veut dire argument, parce que Burhan c'est l'un des noms du Coran. Et Suyuti, de ce nom-là, il a sorti les chapitres sur la précédence du Coran, sur son imitabilité. Et sur le du nom Al-Bayan, exposé explicite, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Coran Bayan. Hadha Bayan lin-nas. Il a sorti de ce nom-là les chapitres sur le ta'wil, l'interprétation du Coran. Al-Qur'an. Donc ça, le chapitre qui ressort, le chapitre de Tartil ressort du nom Al-Qur'an. Que signifie le nom Al-Qur'an? Que signifie le Qur'an? Le nom. Ça, le nom l'imam Suyuti le traite dans le 17e chapitre de son livre l'Itqan, fi ma'rifati asma'i wa asma'i suwari. Suyuti a cité comme première définition, bon, il a d'abord dit qu'il y a, bon, il y a divergence sur la signification de ce nom, du nom Coran, puis il a cité comme premier avis, il a dit c'est un nom propre, c'est un nom propre qui n'a pas d'étymologie et qui est propre à la parole d'Allah. Il n'a pas de hamza, c'est-à-dire à la base, à l'origine, il ne porte pas de hamza. La hamza, c'est-à-dire le Qur'an, le A. C'est-à-dire normalement à la base c'est Qur'an, Qur'an. Et ça c'est la lecture d'Ibn Kathir al-Makki. Et ça, c'est la lecture d'Ibn Kathir. L'un des sept Qurra célèbres, les savants de la lecture, des enseignants de la récitation, qui s'appelle Ibn Kathir al-Makki, il lit Qur'an. Il ne lit pas Qur'an. Quand il, le terme Qur'an, il ne prononce pas la hamza. Il fait le tashil. Suyuti a dit, « Huwa ismun alamun ghayru mushtaqin khasun bi kalamillah fa huwa ghayru mahmous. » Donc c'est un nom propre, selon ce premier avis. Attention, selon ce premier avis. Puis il a cité, bon, il a dit que l'imam Shafi'i, il soutient cet avis, c'est-à-dire que lui aussi, il dit que Qur'an est sans la hamza à la base, que c'est Qur'an. Puis il a cité un récit rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Khatib, que Shafi'i, Al-Bayhaqi al-Khatib al-Baghdadi, il rapporte que Shafi'i prononçait la hamza dans le verbe qara'at. Quand il prononçait le verbe qara'a, il prononce la hamza, il dit qara'at. Mais ne prononçait pas la hamza concernant le Coran. Il dit Qur'an, Qur'an. Il dit Al-Qur'an, tout simplement. Donc, et il dit que c'est un nom propre. Shafi'i dit que c'est un nom propre. Il ne comporte pas la hamza et il n'est pas tiré du verbe qara'ta. Il n'est pas tiré du verbe lire. Hein? Mais c'est un nom du livre d'Allah comme la Torah et l'Injil et l'Évangile. Mais attention, les linguistes et les maîtres en rhétorique n'acceptent pas cette définition. Bien qu'elle soit bon la définition de l'imam Shafi'i et à laquelle penche l'imam Suyuti. Les linguistes... Ulama al-Bayan, l'Ughawiyin, ils n'acceptent pas cette définition. Ils disent que Al-Qur'an comporte une hamza. Il se prononce Al-Qur'an et non pas Al-Qur'an. C'est d'ailleurs la lecture de six autres, c'est-à-dire Nafi', Asib ibn Abi Nujud, Al-Kisa'i, les six autres, tous ils prononcent Qur'an avec hamza. Sauf Al-Makki. Ibn Kathir al-Makki, il dit Qur'an. Et Hamza, Hamza, c'est pas qu'il ne prononce pas Qur'an. Mais quand, par exemple, Qur'an vient à la fin d'une phrase, il dit Qur'an, comme ça, c'est sa règle de lecture. Concernant tout ce qui est Mahmouz, tout ce qui porte Hamza. Par exemple, quand il s'arrête sur Shay'a, il dit Shay'a. Il ne prononce pas la Hamza à la fin. Le waqf de l'imam Hamza. Zayet est spécial, c'est-à-dire il ne s'arrête pas sur les hamza. Il dit, par exemple, il dit concernant Coran exactement, précisément, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Il la prononce comme ça, c'est-à-dire il prononce un, il la prononce, mais quand il s'arrête sur Qur'an, il ne prononce pas la hamza. Il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ça, c'est sa règle concernant le hamza. Sinon, hamza aussi prononce Qur'an avec hamza à l'origine. Donc, les six qurra prononcent la hamza à l'exception de Ibn Kathir al-Makki. Le nom arabe du Qur'an, il porte la hamza et il a une étymologie, c'est-à-dire que c'est un nom arabe, c'est pas un nom propre, il a une étymologie, nous entendons par étymologie qu'il a une racine avec des radicaux et des dérivés, comme tout mot arabe. Vous savez que toute la langue arabe elle repose sur cette structure de base qui est, il a une racine, et puis ses racines, elle peut changer de forme. Les radicaux restent, mais elle peut changer des formes, bon, les affixes, les préfixes, etc. Sachant selon que ce mot-là est un verbe, ou est un nom, est un complément, et la voix, ou il est à la voix active, ou il est à la voix passive, etc. Donc, le Coran, il a une étymologie, il a une racine. Il a une racine. Donc, Coran, normalement, il provient du qara, yaqri. Il provient de ce verbe-là. Qara, yaqri. Qara, c'est quoi? Qara, c'est réunir. D'où le nom qaria. Quand on dit qaria, donc Coran, qaria. Qaria, c'est quoi? C'est une cité, c'est une ville. Umm al-Qura, l'étonnera Umm al-Qura, pour avertir la mère des cités. Qui est la mère des cités? C'est la Mecque. C'est une ville, c'est une cité. Donc, la cité, elle réunit des gens qui ont des rapports, des valeurs communes, des liens de parenté, des coutumes, une religion, un régime, etc. Des lois, etc. De même, le Coran, il comporte des versets et des sourates qui correspondent les liens les uns aux autres et qui vont vers un, ceux qui convergent vers un seul point. Le Coran, c'est comme ça. Donc ça, c'est le lien du Coran entre le Coran et la qaria. Et le verbe qara yaqri qui signifie réunir. Donc le Coran, il réunit le tawhid, les valeurs morales, il réunit les histoires des prophètes, d'accord? Et les versets et les sourates ont des points communs. Ils conversent toujours vers un seul point, c'est-à-dire le tawhid, les ahkam. Coran peut provenir aussi du verbe qara'a. Qara'a. Qara'a. Et qara'a, le qara'a ou le qur'a, c'est le son menstruel. Là, j'essaie de vous expliquer l'origine du mot Coran. Pour que personne ne vienne de dire que c'est, il a une origine étrangère, que il a une origine des Assyriens, origine d'une ancienne langue. Non, c'est du pur, la pure langue arabe. Il a une étymologie, il a des racines. Il remonte à des racines qui se construisent sur des chaînes, etc. Donc, il a une, c'est un mot arabe. J'ai dit, il peut provenir du verbe qara'a. Le qara'a, c'est le sang menstruel réuni dans l'utérus. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatha quru'a. Les femmes répudiées observent un délai d'attente de 3 quru'a. C'est quoi le qara'a? Qara'a, ça veut dire les monstrues, le sang menstruel réuni dans l'utérus. C'est qara'a, c'est les monstrues ou les fins du monstrue, c'est-à-dire la période de pureté menstruelle. Ça, c'est un khilaf ancien entre les fuqaha, divergence entre les fuqaha. Est-ce qu'il s'agit, des monstrues elle-même, c'est-à-dire l'écoulement de ce sang qui a été réuni dans l'utérus, ou est-ce qu'il s'agit de la période de pureté menstruelle? Ça, c'est un khilaf ancien entre les savants. Donc, le Coran, à ce titre, est un livre de synthèse. C'est un livre de synthèse. Il réunit toutes sortes de connaissances utiles. Le tawhid, les sciences, le tawhid, c'est la science la plus sublime, la connaissance d'Allah. Et il réunit tout ce qui touche le ghaïb, Allah, les anges, le jour dernier, le monde des djinns, le monde de la tombe, les histoires des anciens, des exemples qui appellent à la raison, les raisonnements logiques, les lois, l'éthique, la rhétorique. Bon, il englobe. Et il englobe aussi ce qui est juste dans les anciennes religions. Il corrige ce qui a été falsifié dans les anciennes religions saintes, le judaïsme et le christianisme. Donc, il réunit. Donc, la notion de réunion à travers ce sens-là. Et le nom Coran il est construit sur le schème fa'lan. Vous savez, il y a une structure paradigmatique dans la langue arabe. Tous se construisent sur certains schèmes. Fa'ala. Vous savez, kataba, on dit kataba. Il est construit sur quel schème, sur quel paradigme? Sur le verbe fa'ala. Hein? Kitab, fi'al. Maktoub, maf'oul. Tous se construisent comme ça, de cette manière-là. Et le Coran, il est construit sur le shem fa'lan. Fa'lan, avec le suffixe an. C'est comme radiba, se mettre en colère. Radiba, mais radban, radma, radban. On dit radban, il est très en colère. On a ajouté le fixe an au nom radib, au verbe radiba, ou comme par exemple marfera, rafara, pardonner, et rofran, le grand pardon. Hein? Vous avez constaté avec moi, hein? le suffixe an. Bon, ce suffixe là, an, radban, jawan, an, c'est un intensif. C'est un intensif. Donc, l'emploi de ce suffixe intensif est pertinent parce que la lecture qui te débarrasse des ténèbres de l'ignorance, qui te débarrasse de la corruption de l'âme, de la misère, qui te fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'élève et te guide, mérite qu'on la loue et qu'on y ajoute un suffixe élogieux, un intensif. Et qu'au lieu de dire qira, on dit Qur'an. C'est un intensif. C'est comme un superlatif. D'accord? Donc le an, c'est un intensif. Donc Qur'an, ça, déjà à partir de la sonorité, de la prononciation de nom, ça nous montre que c'est un grand livre, que c'est une qira'a qui est éminente, qui te fait sortir, des ténèbres à la lumière et qui te guide vers la bonne voie. La voie du bonheur et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Qur'an, il y a aussi la notion de manifestation. Qur'an, il y a aussi, parce que les Arabes disent « Ma qara'ati naqatu salan qattu » La chamelle n'a pas produit de bête. Quand on dit « Ma qara'at » on attribue le verbe « qara'a » à la chamelle, on dit que cette chamelle n'a pas produit. Donc, produire, faire apparaître, n'a pas produit de bête, n'a pas donné naissance à un chamelon qui est complet. Hein? Donc, dans la qira'a, on fait apparaître quoi? On fait apparaître les mots, ça, la prononciation des mots et leur articulation, d'où la branche de la phonétique que nous allons étudier, inshallah. Donc, Qur'an a ce sens-là, manifestation. Il a aussi le sens de maqro'. C'est-à-dire la chose lue, le Coran lui-même demande d'être lu. Et il a été révélé pour être lu. Maqra, c'est un nom complément. Maf'oul, il est construit sur le shem. Maf'oul, c'est-à-dire la prononce, c'est-à-dire le maqra, c'est-à-dire que c'est le texte qui est prononcé, qui demande à être lu. La chose qu'on lit, qu'on récite, qu'on prononce. Et donc, il a été, comme vous savez, il a été révélé oralement, sans support écrit. Donc, maqro, c'est-à-dire la chose qu'on lit. La voix passive, là. Maqro, c'est la chose qu'on lit. C'est un non-complément. La chose récitée. Et le Coran aussi veut dire aussi « qira'a ». Écoutez, quand quelque chose est éminente, elle porte plusieurs sens. Hein? Elle porte la richesse, il a une richesse linguistique autour. D'accord? Donc, le Coran, il comporte tous ces sens-là. Parce que il est éminent. Le Coran veut dire, comme j'ai dit, qira'a, récitation. Et ça, on le trouve dans le Coran. Enfin, idha qara'nahu, fattabi'a. Qur'an, en sourate al-Qiyamah, la sourate de la résurrection, quand nous le récitons, c'est-à-dire qu'on nous le récitant par l'intermédiaire du Jibril, fattabi' Qur'ana, suisons le Qur'an, suisons quoi? Suisons la récitation, suis sa récitation. Ah. Et il ressort aussi du sens de Qur'an la mémorisation, al-hifz. Et quand Jibril a transmis les premiers versets à Mohammed, quand il lui a révélé « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq »« Lis ou récite au nom de ton Seigneur qui créa », cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lira ce qui est écrit sur un livre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il lise les versets qu'il mettra dans son cœur. Il lira les versets qui sont consignés dans sa poitrine, gravés dans son cœur, et non pas sur un papier ou un support quelconque. Hmm? D'ailleurs, les compagnons qui portent le nom de Qurra, suivez bien, de Qurra, lecteur ou récitant, ils sont qualifiés de Qurra, non pas parce qu'ils récitent, ou ils lisent un livre ou sur un support, ils lisent l'écriture, ils récitent l'écriture couchée sur un papier, non, mais parce que ils ont retenu le Coran, ils l'ont mémorisé, et ils connaissent toutes leurs nuances phonétiques et leur et l'ordre des versets. D'accord? Donc qara'a veut dire aussi mémorisation, enregistrement. Donc là je vous explique comment on a sorti les trois chapitres, les trois grands chapitres, les trois chapitres ou les trois branches des sciences relatives au tartil. Qara'a, les sept modes de formulation, la phonétique et puis l'enregistrement. Récapitulons. Le Coran signifie maqra, c'est-à-dire livre récité et lu. Il signifie qira'a, ça veut dire lecture et récitation. Il signifie le qara ou qara, ça veut dire réunion d'éléments qui correspondent les uns aux autres. Ça nous renvoie au nom de qarya qui est une ville ou une cité. Il signifie aussi réunion des connaissances utiles. Et des livres saints, anciens, c'est une parole de synthèse, c'est une réunion. Quand on dit Qur'an, ça veut dire qu'il réunit des choses, qu'il réunit, c'est une parole de synthèse qui réunit beaucoup d'éléments, beaucoup de connaissances. Fiha kutubun qayyima. Dans le Coran, il y a des livres. Donc dans le Coran, le Coran englobe les autres livres, et il en corrige les erreurs qui ont été commises par les générations. Après la révélation de ces livres-là, la falsification qui s'est produite, l'altération des textes, le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il rectifie ces erreurs-là et il englobe tout ce qui est bon dans les autres livres se trouve dans notre livre saint. Alors, maqra, qira'a, qara, et il signifie aussi la manifestation, c'est-à-dire la prononciation des mots et leur articulation selon un mode déterminé, c'est ce qu'on appelle le tajwid, le tartil vocal. Le nom kitab a presque le même sens que Qur'an. Kataba veut dire réunir, établir, agencer. Ça c'est kataba. On dit katiba. Katiba, c'est dans l'armée, une katiba, un contingent, ça veut dire bien organisé, il a un chef, il a une tenue particulière, il a un avant-garde, un arrière-garde, etc. D'accord? Et le kitab, c'est comme ça, il réunit, il agence, sauf que le Coran, la différence entre le Coran et le kitab, le Coran concerne particulièrement la prononciation, l'articulation et la mémorisation. Et le kitab concerne particulièrement l'agencement. Et le tartil textuel, c'est le kitab toujours il nous renvoie au texte. Le Coran nous renvoie à la voix surtout, parce que c'est une qira'a, prononciation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut chargé dès le départ de faire le tartil du Coran. Le tartil, c'est-à-dire d'agencer la révélation. Chaque passage qu'il recevait d'Allah, le prophète sallam ordonnait à ses compagnons de le mettre dans tel et tel endroit, dans telle sourate. Il a reçu les cinq premiers versets de la sourate Al-Alaq, les cinq premiers, اقرا بسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. Il a reçu sa première rencontre avec Jibril, c'est ça. Il a reçu ces versets-là. Cinq versets. Puis juste après, est-ce qu'il a reçu la suite? Non. Juste après, il a reçu d'autres révélations, d'autres sourates. Le Muzzammil, le Muddathir, sourate Nun wal-Qalami wa ma yasturun. Et après, c'est sourate Duha. Et ce n'est que plus tard qu'il a reçu Kalla inna l'insana la yatra. Assurément, l'homme se rebelle dès qu'il voit qu'il peut se suffire à lui-même. Kalla inna l'insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Il a reçu ce verset-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses scribes, il a dit, mettez ce verset-là après le cinquième verset de sourate Al-Alaq. Mettez-le après qui a enseigné l'homme ce qu'il ignorait. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ben, mettez maintenant, kalla inna al-insana la yatra. Des mois et des années plus tard, il a dit ça. Ça, c'est le tartil, l'agencement. C'est le grand travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de l'agencement textuel. Toujours l'agencement textuel, comme ça, le grand travail. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons fait le tartil. Ça veut dire quoi? Nous avons fait le tartil du Coran. Ça veut dire nous l'avons agencé. Nous l'avons fait descendre fragment par fragment, mais nous avons ordonné à notre prophète de l'agencer, de l'ordonner comme il est dans la table gardée. Donc, dès le départ, le prophète sallam était chargé de réciter le Coran selon l'ordre qui se trouve dans le kitab, qui est, comme je dis, dans l'ouh al-mahfoud, dans la table gardée, et non pas dans le sens, dans l'ordre du furqan, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Ben, c'est ainsi qu'il apprenait les versets, les sourates aux compagnons. Il leur enseignait de cette façon. Et c'est ainsi que les compagnons retenaient le Coran. Comme on le retient aujourd'hui. Dans l'ordre, Al-Fatiha au début, puis le Baqara, puis Al-Imran, puis le Nisa, puis le Ma'ida, puis l'An'am, etc. Et cet ordre, comme je vous ai dit, il repose sur un enseignement divin. Le prophète sallam a désigné des scribes qui écrivent les révélations reçues et les écrivent devant lui. Et par précaution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne transcrivez de ce que je dis que le Coran. Celui qui transcrit de ma bouche autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Ça, c'est au début. La taktubu anni ghayra al-Qur'an. Man kataba anni ghayra al-Qur'an, falyamhuhu. Ce hadith est rapporté par un musulman. Ce hadith d'Abu Saïd al-Khudri d'Abu Huraira. Bien sûr, cette interdiction n'est pas absolue. Ce qui leur interdit, c'est qu'au moment même où il reçoit la révélation, il ne veut pas qu'il transcrive autre chose que le Coran. D'accord? Ou qu'il transcrive la révélation coranique et d'autres propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un même support. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a dit, ne transcrivez de ma bouche que le Coran, celui qui a transcrit autre chose, ben qu'il l'efface, il ne veut pas, il craignait qu'il y ait un mélange entre le Coran et la Sunna. Il veut que les compagnons ne fassent pas la confusion entre les deux. D'accord? Quand il reçoit la révélation, il ne veut pas que quand les scribes écrivent, il ne veut pas qu'il le mélange avec une explication faite durant la révélation. Non, il dit écrivez juste la révélation coranique. La sunna, ça, ne l'écrivez pas maintenant. D'accord? Il ne voulait pas qu'il y ait un mélange. Mais ça, c'est juste temporaire. Après, quand les compagnons ont été initiés à faire la différence et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rassuré qu'il n'y aura pas de mélange, il a autorisé de transcrire la sunna. Et il a même encouragé de le faire. La preuve, le hadith qui se trouve dans le musnad de l'imam Ahmad, c'est un hadith authentique. Les Quraysh, les kuffars, les mécréants de Quraysh, ils ont dit à Abdullah ibn Amr, ibn al-As, ils ont dit, tu écrivais tout ce qui sortait de la bouche du prophète de Mohammed. Et Mohammed n'est qu'un être humain, il parlait sous l'empire de la colère et de la bonne humeur. Et bon, ils ont voulu faire douter Abdullah ibn Amr ibn al-As, parce qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As écrivait la Sunna. Et Abdullah, il s'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui raconta ce que les Quraysh lui avaient dit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura. Il lui a dit, Oktub. Fawallazi nafsi biyadih ma kharaja minni illa al-haq. Il lui a dit, écris. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'émane de moi, il ne sort de ma bouche, ou il n'émane de moi que de la vérité. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que de la vérité. La yantiqu alil hawa. Il ne parle pas sous l'empire de la passion. D'accord. Et il a ordonné d'écrire à Abu Shah, un yéménite. Le prophète a fait un prône qu'il a dispensé à la Mecque quand il l'a conquise. Et puis Abu Shah, il a dit au prophète, écrivez pour moi je veux écrire ce que tu as dit dans ce prône-là pour que je le lise à mes frères qui sont au Yémen. Et là, le prophète sallam, il a ordonné, il a dit aux compagnons, écrivez pour Abu Shah. Donc, il a encouragé l'écriture. Ce hadith-là se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Et là, lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, qayyidu l'ilma bil kitab. Il a dit, enregistrez par écrit la science. C'est-à-dire l'enregistrement. Pas le hifd, mais l'enregistrement, taqyid. Ça, c'est le hadith de Anas, qui est authentique, qui est Cheikh Al-Albani qualifié d'authentique. Alors ça, nous avons parlé de la définition du nom, d'où vient ce nom Coran. Et là, Coran, ça nous renvoie aux sept ahraf, aux sept modes de formulation du Coran. Nous allons revenir sur les sept modes de formulation du Coran avec plus de détails maintenant, inshallah. Mais suivez-moi. Alors, les ahraf sont, bon, Suyuti, il a donné beaucoup d'avis, beaucoup de définitions. Il a dit que les savants ont divergé sur le sens à donner à ces ahraf, parce que bon, il y a des hadiths authentiques. Le prophète sallam a dit, ça je vous ai déjà cité ces hadiths-là dans les deux sahih, hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallam a dit, Jibril m'a fait réciter le Coran selon un seul harf, un seul mode de formulation, et je ne cessais de lui en demander davantage jusqu'à ce qu'il arrivât à sept ahraf. Le hadith de Ibn Ka'b aussi. Le prophète sallam, il a dit, quand Jibril est venu avec un seul harf, lui réciter le Coran selon le harf de Quraysh, le mode, la langue de Quraysh, le prophète lui a dit, il veut davantage, c'est-à-dire il veut que le Coran soit récité selon d'autres langues, selon d'autres idiomes. Bon, comme j'ai dit, Suyuti, bon, il a cité plusieurs propos, mais il est pertinent de dire que le harf, c'est le mode de formulation. C'est le mode de formulation de certains mots du Coran. Et le mode aussi de prononciation de certains mots. C'est comme, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Vous avez, bon, tous les tribus parlent la langue arabe. Mais pour désigner une même chose, ils emploient des mots différents. L'arabe de base, c'est l'arabe de Quraysh. Quant à l'arabe, par exemple, de Hudayl, de Kinana, de Qays Aylan, de Azshanoua, de Tamim, de Kinda, de Hijaz, ce sont des variantes de la langue arabe. Hein? Bon, l'exemple pour le français, on dit par exemple, après 69, on dit 70. Mais en Suisse et en Belgique, on dit 70. Après 89, on dit 90 en France. En Suisse, en Belgique, on dit 90. Français, on dit, par exemple, quand on dit à tout à l'heure, en Belgique, on dit à tantôt. Donc, il y a des variantes. Ou entièreté. Les Belges disent entièreté. Les Français disent l'intégralité ou la totalité. Bon. Ben, c'est pareil. En langue arabe, c'est comme ça. Il y a ces variantes-là. Dans le Coran, par exemple, il dit, كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء dans سورة البقرة. ينعق ينعق le mot ينعق le verbe ينعق il est employé par la tribu de Taï. C'est pas Quraysh qui emploie ce nom là. Le Quraysh il dit yasih, c'est-à-dire il crie. Yan'iq, ça veut dire crier. Mais c'est la tribu de Taï qui c'est la langue de Taï, c'est le mot, c'est le harf de Taï. Fala ta'duluhunna. L'adl, ça veut dire emprisonner, empêcher. Fala ta'duluhunna dans le Coran. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف dans سورة البقرة. Donc عدلة ça veut dire empêcher, et ça عدلة c'est un mot de la langue de la tribu de Azd Shanoua, c'est une autre tribu que la tribu de Quraysh. يمسسكم قرح, le قرح, إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قرح veut dire blessure, douleur. Et qarh ou qurh, qarh c'est la langue du Hijaz. Et qurh c'est la langue de Tamim. Donc c'est comme ça, il y a des variantes. Le professeur Salam veut que le Coran soit récité selon ces variantes-là. Pour faciliter la tâche aux tribus. Chaque tribu est habituée à certains mots. C'est comme par exemple les Belges, ils sont habitués à dire 90, 70. Ils ne sont pas habitués à dire 70 ou 90. Hein? Donc les tribus arabes sont habituées à certains mots, certaines tribus oublient même les autres variantes, et le Coran il emploie ces variantes pour faciliter son apprentissage et sa compréhension par les tribus, n'est-ce pas? Donc les ahrouf, je vais, pour ne pas vous perturber, la majorité des savants, les ulama du Coran, ils reviennent à l'avis d'Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari à propos des langues du Coran. Ibn al-Jazari, il est né en 751 de l'Hégire, en 1350 de l'ère chrétienne. C'est le cheikh des Qurra, une référence dans le Tajwid et la Psalmodie. Alors, lui, il a dit, Ibn al-Jazari, il a étudié, il a examiné pendant plus de 30 ans la question du Ahruf. Il a dit, je l'ai médité profondément durant 30 ans, jusqu'à ce qu'Allah m'ouvre mon esprit vers la vie qui peut être juste. Il a dit, j'ai étudié les qira'at, celles qui sont authentiques, celles qui sont marginales, celles qui sont faibles, et j'ai constaté que leur diversité se présente sous 7 aspects. 7 aspects dont nous avons parlé, Inch'Allah. Alors, les 7 aspects sous lesquels se présentent ces ahrof-là sont les suivants. Premièrement, je vous ai déjà donné dans les cours précédents des exemples. Et je vais redonner le même exemple. Alors, premièrement, le premier aspect, c'est la différence dans les voyelles courtes sans changement de la graphie et sans changement du sens. C'est-à-dire que les qira'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait, les ahruf, parfois ils diffèrent dans les voyelles courtes. Mais il n'y a pas de changement dans la graphie et sans changement du sens. L'exemple, je vous ai dit la dernière fois, c'est l'exemple, il y a le bukhl et le bakhal. Ya'muruna an-nasa bil bukhl. ويأمرون الناس بالبخل يأمرون الناس بالبخل البخل بخل avec la dhamma sur le bas et le sukun sur le kha et le bakhal avec la fatha sur le bas et la fatha sur le kha. C'est bon, le prophète a reçu ce mot là dans la révélation, il a reçu comme révélation يأمرون الناس بالبخل, ils ordonnent aux hommes l'avarice. يأمرون الناس بالبخل, ils ordonnent aux hommes l'avarice. Ça c'est dans sourate Nisa, sourate les femmes. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Ça c'est dans sourate Nisa. Le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu comme révélation يأمرون الناس بالبخل avec la dhamma sur le bas et le sukun sur le kha, bukhl, et il a reçu aussi ce harf là qui est bakhal. Donc le bukhl c'est normalement la lecture de Ibn Amir et de Asim, de Nafi', hein? Ils disent bukhl. La riwaya de Warsh au Maroc et au Maghreb en général, c'est Ya'mourouna an-nasa bil bukhl. Et Hafs, ce que vous lisez en France, c'est bukhl. Il y a d'autres qira'a qui est celle de Hamza et de Kisa et de Khalaf. Ils disent bakhal. Bakhal. C'est bon? Donc il y a cette différence. La graphie reste le même. Quand je dis la graphie, le ductus, c'est-à-dire le tracé, vous enlevez les voyelles et vous enlevez les points. L'écriture à la base n'avait ni voyelles ni points. Elle est nue, c'est-à-dire le tracé était nu, le ductus, le squelette seulement. Il y a rien dessus, il n'y a rien dessous. Il n'y a ni fatha, ni kasra, ni damma. C'est comme ça que que les scribes écrivaient le Coran. Et c'est comme ça qu'était l'écriture. Parce que tout se basait sur la transmission orale. C'est la lecture, c'est l'oral qui gère tout. L'écriture, c'est juste une consignation, c'est juste une aide-mémoire. Donc, le premier aspect, c'est ça. Premier aspect, différence dans les voyelles courtes. Avec les voyelles courtes, ça c'est plus tard que ça, qu'elles ont été introduites, hein, par Abul Aswad al-Du'ali. C'est Abul Aswad al-Du'ali qui a introduit les voyelles pour dire bou, ba, bi. C'est lui qui a introduit les signes qui désignent ces voyelles-là. Au début, c'était juste des points. Avec une couleur différente de l'écriture. Ils marquaient juste des points. Et ses élèves, Nasr ibn Asim et Yahya ibn Ya'mur, ce sont eux qui ont introduit les points. Les points qui font la différence entre le ba, le ta et le sa. Les points qui font la différence entre le jim, le ha et le ha, le jim avec un point en bas, le ha sans point et le ha avec un point en haut. D'accord? Ce sont eux qui ont introduit ces points-là. Et c'est Al-Khalil Farahidi, plus tard à l'époque abbasside, qui a changé les points en les points qui désignent les voyelles. Il les a changés et il a mis à la place de la dhamma, il a mis un petit waw. Et le ha, c'est un petit trait qui nous rappelle le alif, c'est un alif incliné, horizontal, semi-horizontal. Et la kasra, c'est un ya dont il a coupé la tête. Kasra sur le. Donc c'est comme ça que cela s'est produit. Voilà, il y a différence. Le premier aspect, c'est celui-là. Ou comme on dit par exemple wala tahsabanna avec la fatha sur le sin, ça, sur au-dessus, et wala tahsibanna. Warsh il lit wala tahsibanna. Ça, la voyelle au-dessus de la lettre, et Warsh, Nafir, il prononce si au lieu de ça. Ou ya'kifun, ya'kufun, ya'kifun avec la kasra sous le kef, ya'kufun avec la dhamma sur le kaf. Ça c'est la première, c'est le premier aspect sur lequel se présentent les différences, les différentes ahraf, différents ahraf. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la différence dans les voyelles courtes sans changement de sens. Ça c'est le deuxième aspect. Donc différence dans les voyelles courtes. Ou pardon, différence dans les voyelles courtes avec changement de sens. Au début, c'est sans changement. Là, c'est avec changement de sens. Comme par exemple, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Donc, et selon une autre lecture, فَتَلَقَّ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتلقى آدم من ربه كلمات. Donc deux lectures. Selon la première, Adam reçut alors les paroles de son Seigneur. Ça c'est un harf. Et selon l'autre harf, Adam, ce sont les paroles qui ont reçu Adam. C'est comme les paroles divines qui ont reçu Adam et qui l'ont sauvé. D'accord? Donc, changement de voyelle, une différence dans la voyellisation des vocables qui entraîne des modifications sémantiques. La graphie des vocables reste la même. Si on enlève les points, on enlève les voyelles, vous allez lire les deux graphies les mêmes. Les deux, il n'y a pas de différence. Mais quand on ajoute les voyelles, on va voir que dans Adam, selon la première lecture, c'est Adamo, Adamo, avec la Dhamma sur le même, sur le mim. Et dans la deuxième lecture, c'est la fatha sur le mim. Fatalaqa Adama. Fatalaqa Adama min Rabbihi kalimatin. Donc, les voyelles comme ça, avec changement de son. Donc, c'est le premier harf qui est. Le premier harf, Fatalaqa Adamu, avec la Dhamma sur le mim, c'est la majorité des Qur'a qui lisent comme ça. C'est la majorité des Qur'an, ils disent Adamu. Et Adama, ça c'est la lecture d'Ibn Kathir al-Makki, c'est l'un des sept Qur'an. D'accord? Donc selon la première lecture, Adam est le sujet. C'est lui qui a reçu les paroles d'Allah. Adam reçut alors les paroles d'Allah. Fatalaqa Adamu. Et selon le deuxième harf, c'est Adama. Ça veut dire que c'est Adam et le complément. Donc le premier harf. Adamo, c'est le sujet, et Kalimat, c'est le complément. Adamo, c'est le sujet, il reçut des paroles de son Seigneur. Selon la deuxième lecture, Adam, c'est un complément qui est antéposé, et Kalimatun, fatalaqa Adama min Rabbihi, Kalimatun, et Kalimatun, c'est le sujet. C'est un sujet postposé. Fa'il muta'akhir. C'est-à-dire que ce sont les paroles qui ont reçu Adam, qui l'ont rencontré. Donc, sans changement de graphie. Ça, c'est le deuxième aspect. Là, je dis les variantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ça et ça. Les deux variantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les recevait, comme j'ai dit. Parce qu'il a reçu le Coran selon sept ahraf. D'accord? Par miséricorde à l'égard des tribus. Donc, le troisième aspect, il y a différence de lettres avec changement de sens, mais sans changement de graphie. Ça, c'est le troisième. Différence de lettres avec changement de sens et sans changement de graphie. Exemple. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. Ça, c'est sourate Yunus. Tabelou, chacun trouvera manifeste ce qu'il aura accompli. Tabelou, ça c'est qira'at Asim, qira'at Nafi', ce que vous lisez dans votre Coran, tabelou, en France, et en Orient, en Arabie Saoudite, et aussi, selon Riwayat Warsh An-Nafi', il récite Tablou, eux aussi. Au Maroc, il récite Tablou. Il y a une autre qira'a qui est qira'a de Hamza al-Kisa'i et Khalaf, qui est Tatlou, hunalika Tatlou, kullu nafsim ma aslafat. Donc, selon ce sens-là, chacun lira ce qu'il aura accompli. Il lira le registre de ses œuvres. Donc, selon un sens, c'est. Selon la qira'a que vous lisez dans le Coran de Riwayat Hafs an Asim, vous lisez tableau, trouvera manifeste, chacun trouvera manifeste. Selon la qira'a de Kisa'i de Hamza, c'est chacun lira ce qu'il aura accompli. Remarquez avec moi comment les ahruf ont enrichi l'exégèse. Là, au lieu d'avoir un seul sens, j'ai deux sens. Le premier sens, chacun trouvera manifeste. Le deuxième sens, chacun lira. Et donc ce deuxième sens complète. D'après ces deux ahraf, j'ai compris que chacun, il trouvera ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et je comprends aussi que chacun va lire ce qu'il a. Il va lire ce qu'il aura accompli. Il va lire le registre, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا dans surat l'Isra. Lis ton livre, il suffit de toi-même comme comptable, comme juge, comme témoin. C'est c'est toi qui vas rendre compte à tes, c'est toi qui vas te juger toi-même. Lis ton livre, lis tes œuvres. Donc j'ai compris, j'ai deux sens au lieu d'un seul. Ah, l'utilité des variantes. On a les katsablou, la graphie la même. La graphie, vous enlevez les comme j'ai dit, vous enlevez les points, vous enlevez les voyelles. C'est la graphie est la même, le squelette est la même, le ductus est le même, le tracé graphique est le même. Ta et ben, il n'y a pas de différence. Tabelo et tatlo, il n'y a pas de différence. Hein? Mais quand on met les points, là, la différence apparaît. Donc, différence de lettres avec changement de sens, mais sans changement de graphie. Sans changement de graphie. Inch'Allah, vous avez compris. Là. Donc, ça, c'est le... Quel aspect? Ça, c'est le troisième. Le troisième aspect. Le quatrième aspect, c'est... c'est la différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de... Mais sans changement de sens. Différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de... Sans changement de sens. Exemple, Basta. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. بسطة. واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Souvenez-vous qu'Allah a fait de vous des successeurs sur terre en remplacement après le peuple de Nuh et qu'il vous a doué d'un surcroît dans le corps. Ça c'est dans Sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf. Que Hud alayhi salam, il dit à son peuple, wa zadakum fil khalqi basta. Il rappelle à son peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la force physique, il les a grandis dans la taille, ils ont un surcroît créaturiel, surcroît dans la taille du corps. Et il a le verset l'emploi basta avec le sad, avec le sad, le so, d'accord, avec le sad. C'est un sad, c'est un S emphatique. C'est pas le S, c'est pas la fricative la sifflante, sourde. C'est pas S, mais so. Vous savez la différence entre sin et so, c'est que sad, c'est un des huruf de l'istila, les lettres où on fait pression vers le haut. On dit so, on grossit, hein, so. Et sin, c'est les aminci, on fait pression vers le bas. Sin. Et là, ça se lit de deux manières. Ça se lit de cette manière avec besta, avec sod et besta. Donc la graphie change. Changement de graphie. Mais le sens est le même. Besta et basta ont le même sens, qui veut dire un surcroît, agrandissement. D'accord? Ça c'est la différence de la graphie. Donc, basta. Mais dans ce verset-là, qui se trouve dans Sourate Al-A'raf, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَ, elle est écrite avec le sad. Avec le sad, vous savez, le sad, c'est le rond comme ça. C'est comme on dessine une souris avec le rond et puis le petit la queue comme ça. Ça c'est le sad, un rond comme ça. Et au-dessus, ils ont marqué un sin. La lettre S, la lettre sin avec les trois dents. Sin. Donc au-dessus de ça, pour avertir le lecteur qu'il se prononce de deux manières. C'est-à-dire les scribes, quand ils sont arrivés à ce verset-là, wa zadakum fil khalqi basta. Dans sourate Al-A'raf, dans sourate 7, ils ont marqué le sad, la lettre grossie, le S grossie, et ils ont marqué dessus, ils ont marqué le sin. C'est-à-dire qu'il, pour dire, avertir le lecteur qu'il se prononce de deux manières et que ces deux ahrof, il s'agit de deux ahrof là. Il s'agit de deux modes de formulation de deux ahrof. Donc, ça c'est Le sad et le sin. J'ai les deux. Avec le sin avec la pression en bas. Hein, la lettre sifflante, sourde. Et ça, c'est les riwayats de Soussi, d'Ibn Dhikwan, de Qunbul et de Khalaf an Hamza. Ces quatre-là lisent sin basta. Et l'autre manière, c'est basta avec le sad. Le S emphatique, ça c'est la lecture de Qalon, de Warsh, de Nafi' et la lecture que vous lisez aussi de Hafs, vous lisez de Riwayat Hafs, vous lisez de cette manière avec le Sad. Wazadakum fil khalqi basta. C'est comme ça que vous lisez dans le Coran en France et c'est comme ça qu'ils lisent en Orient, d'accord? Et aussi les Marocains, les Maghrébins, ils lisent comme ça selon la Riwayat de Warsh. Ils lisent avec Sad. Hein? Contrairement à Soussi ibn Zikwan et Qunbul, Riwayat Qunbul et Riwayat Khalaf, selon la lecture de Hamza, ils lisent Bes-Ta avec le sin. Donc Bes et Bes. D'accord? Il y a différence entre les deux. Question. On trouve le même mot dans la sourate al-Baqara avec le S. Le même mot, basta avec le sin. Avec le sin avec les trois dents. C'est-à-dire le S, la fricative sifflante, sourde. Le S aminci. Basta. Bin, ba, sin, ta, ta. Dans la sourate al-Baqara. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة من العلم والجسم. Ça c'est dans sourate al-Baqara, verset 247. Allah, sur l'histoire de Talut, Allah l'a élu pour régner sur vous et il l'a doué d'un surcroît de science et de taille du corps. قال إن الله اصطفاه. Ça c'est les fils d'Israël. Ils ont demandé à un roi pour qu'il combatte avec eux pour faire le jihad. Et le prophète qui leur a été envoyé leur a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a désigné sur eux Talut. Et il a dit qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan min al-ilmi wal-jism. Allah l'a élu pour régner sur vous et il l'a doué d'un surcroît de science, zadahu bastatan min al-ilm wal-jism. Et de taille du corps. Besta, ici, un même mot. Besta a été écrit de deux manières dans le Coran. Avec sin, avec le sin dans la sourate al-Baqara, et avec le sad, le sa, le rond, hein, le S emphatique, le S grossi, dans la sourate al-A'raf. Pourquoi? Dans sourate al-A'raf, vous ouvrez le Coran, vous lisez dans sourate al-A'raf, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Dans ce basta-là, il y a le sad et au-dessus, ils ont marqué le petit signe surmonté d'un petit signe. Et dans sourate al-Baqara, ici, il a dit قال إن الله اصطفى عليكم وزادوا في الخلق بسطة avec le signe simple, le signe amincé avec les trois dents. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi cette différence-là? Ça nous renvoie au lien entre la graphie et le sens. Première réponse, c'est qu'ils l'ont reçu, les compagnons ont reçu ça de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont reçu sin tout court dans le Baqara et ils ont reçu sad dans surat al-A'raf. Avec Essin dans Sourate al-A'raf. Ils l'ont entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le sin, tout simplement, dans Sourate al-Baqara. Wa zadahu bastatan min al-ilm wal-jism. Avec le sin. Ils n'ont pas entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam la lettre Sad. Suivez bien. Dans la Sourate al-A'raf, ils ont entendu les deux variantes. Ils ont trouvé qu'il y ait deux A'raf dans Méditez avec moi cette précision dans l'enregistrement des scribes. Sad et Sin dans Sourate al-A'raf. Dans la Sourate al-Baqara, un seul homme qu'Allah a doté du grand détail. Un seul homme, c'est Talut. Dans Sourate al-A'raf, c'est tout un peuple. Le peuple de Houd a été doté d'une grande taille et d'une grande force. Donc, puisque Talut est un seul homme, pas plus, un seul, le Coran, il a employé le S qui est bas, le S aminci, le S sourd. et amincit avec pression vers le bas. Besta. Puisqu'il s'agit d'un seul homme. Mais dans la sourate, l'A'raf, c'est tout un peuple, des milliers de gens. Donc la lettre qui convient est la lettre grossie. Besta. Plusieurs hommes. Besta. Hein? Ça c'est... Subhanallah, la relation entre la lettre, la graphie et le sens. Et ça, vous allez trouver aussi dans un autre exemple. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un dans sourate al-Baqara. Vous allez trouver yabsut avec le sad, avec le s emphatique, surmonté du signe qui du s ou signe qui est aminci. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Et dans un autre verset, vous allez trouver Allahu yabsut ar-rizqa liman yasha. Dans un autre verset, Sourate Ar-Ra'd, Allah yabsut ar-rizqa liman yasha, avec le signe tout simplement, pas le sad. Pas le sad. Et cette différence, subhanallah, c'est la même chose. C'est-à-dire quand Allah il dit Wallahu yaqbidu wa yabsut, quand il s'agit d'une largesse absolue, il emploie le sad, emphatique, large. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit yabsut ar-rizqa liman yasha, il ouvre la subsistance à qui il veut, c'est-à-dire c'est une largesse ici restreinte liée à des personnes, c'est-à-dire les personnes qu'il veut. Alors là, il a employé le signe tout court, le S, signe sourd, la fricative sourd, aminci, où on fait pression vers le bas. Signe yabesut. Wallahu yabesut ar-rizqa liman yasha. Relativement aux gens qu'il veut. Mais yabesut, wallahu yaqbidu wa yabesut, ça c'est absolu. Et donc il convient qu'il emploie le sad. Ça c'est autre, ça c'est une autre science. Ibn al-Banna al-Murrakushi, il a fait un ouvrage, un livre complet sur ça. Rien que la relation, parfois la relation entre le son de la lettre et le sens. Ça, subhanallah, le Coran est vraiment un miracle. Donc nous sommes arrivés à... J'ai dit le quatrième aspect, c'est-à-dire la différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de sens. Sans changement de sens. Et il nous reste les deux derniers, le cinquième et le sixième, que nous allons faire, Inch'Allah, le cours prochain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.